pas parce qu'on est jeune et qu'on n'a pas d'expérience qu'on est obligé de prendre son mal en patience. Et ça fait peur à certains. Et ça fait peur à certains. Dans notre jeunesse n'inspire pas la défiance. Elle joue à la console attendant le prochain dimanche. Ça fait plaisir à certains. Ça fait plaisir à certains. On peut faire le beau animal de foin. On peut prendre l'air de celui qui ne veut rien savoir. Ça épate certains. Ça épate certains. D'avoir l'air d'un con à force d'être pris pour une poire. Ça laisse un arrière-goût quand on rentre chez soi le soir. Faudrait le dire à certains. Faudrait le dire à certains. Moi sans trop écouter ce qu'ils disaient de moi. J'ai poussé mon chemin et aujourd'hui je suis là. Pas très haut, je me contente de presque rien. Et je vais bien. J'ai pas trop l'impression que le pognon emmène vers un état de grâce tel qu'on puisse renier l'âme humaine. C'est pas la vie de certains. C'est pas la vie de certains. J'ai un peu l'impression que la politique a des cernes. Qu'il est peut-être temps d'imaginer des voies plus saines. Parce que disent certains. C'est parce que disent certains. Du haut de leur empire, ils vous regardent de travers. Si vous osez leur dire que le monde marche à l'envers, qu'ils abusent de certains, qu'ils abusent de certains. Dans la stratégie du pire, ils sont toujours les plus malins. Champions dans le jeu du on nous cache tout, on nous dit rien parce que ça arrange certains. Ça arrange certains. Moi sans trop écouter ce qu'ils disait de moi, j'ai poussé mon chemin, aujourd'hui je suis là. Pas très haut, je me contente de presque rien. Et je vais bien, et je vais bien. On n'est pas grand-chose coincé dans nos toutes petites vies, perdus entre ce qui nous précède et ce qui nous suit. Autant puiser en soi ce qu'on a de meilleur. Je crois que j'ai trouvé le secret du bonheur. C'est être amoureux, être aimé de son prochain. Boire un verre tranquille entre amis au café du coin. Rester en éveil pour faire que le monde aille bien. Le secret du bonheur, c'est de partager le sien. Le sien.